L'absence est le plus grand des mots. Le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas. Tendre sa main sans fermer ses doigts, c'est dans la merde que l'on reconnaît son ami. Meilleur ennemi, avoir de la peine, avoir de la haine, mon ami. Le bonheur est comme l'écho, il vous répond, mais ne vient pas entier. Dans l'amitié, les sentiers de l'amour, on ne choisit pas sa moitié. De tes yeux noisettes, du bleu de tes yeux, à force de te voir verser des larmes, je m'y suis noyé. La vie en rose, entre nous, cela ne l'a pas toujours été. Sur les bancs de l'accusé, plaidé, coupable, l'amour m'a rendu aveugle, mon cœur. De la rancœur, ton cœur s'en remettra peu à peu, petit à petit, comme le phénix, renaître de ses cendres, nos vieux. Jour, ne pas les finir à deux, s'il plaît à Dieu, te voir heureuse, te voir heureux, te voir adieu. Je n'ai guère d'autre solution que te dire adieu. Tire un trait sur le passé, le futur, au présent, à présent, vivre seul que mal t'accompagner. Retour à la vie, retour à la réalité. Retour à nos envies, retour à la normalité.